Bienvenue en 2030 glorieuse. Je m'appelle Julien Vidal et toutes les deux semaines, j'invite dans ce podcast une personne engagée avec laquelle nous allons discuter des nouvelles croissances qui nous attendent dans la société durable, solidaire et joyeuse de demain. L'utopiste en moi en est persuadé. Non seulement demain n'est pas foutu, mais le futur peut même se révéler être bien plus enthousiasmant que ce que nous connaissons actuellement. Et pour dire au revoir à l'état de crise permanent, il est temps de se mettre à la hauteur des enjeux de notre siècle et ça commence par faire de nos rêves des stratégies. Bon voyage. Bon voyage. Bonjour Cassandre Bachelier. Salut Julien. Bienvenue dans le podcast 2030 Glorieuse dans lequel je rencontre celles et ceux qui sont les signaux faibles des mondes de demain. Pour cette nouvelle saison, le podcast il est soutenu par la NEF. La NEF, c'est une banque éthique coopérative. Grâce à l'épargne qu'elle collecte, cette banque, elle finance exclusivement des projets écologiques, sociaux et culturels. C'est donc la banque des 2030 Glorieuses. Elle est coopérative parce qu'elle appartient à ses sociétaires. Elle est éthique parce qu'elle met en avant le circuit court de l'argent. Et elle est transparente parce qu'elle est la seule banque, j'ai bien dit, la seule banque française à publier l'intégralité de ses financements. Et c'est cette banque qui, moi, me permet d'interviewer plein de projets qui participent activement aux 2030 Glorieuses. Donc, soyez fiers, comme moi, de votre banque. Ouvrez un livret à la NEF. Aujourd'hui, je donne donc la parole à Cassandre Bachelier. Toi, tu es formatrice et facilitatrice en coopération, cofondatrice de Fertile. Fertile, c'est en particulier de ça dont on va parler, mais pas que. Mais Fertile, c'est une école de la coopération de l'engagement au service des bascules écologiques, sociales et démocratiques. Ensemble, on va donc évoquer des sujets hyper puissants, comme l'autre, comme une richesse. On va parler d'engagement et de pouvoir d'agir. Je te pose la première question que je pose à tous mes invités, Cassandre. Imagine que tu es dans un événement où tu es face à des inconnus qui te posent cette question tellement nulle, mais un peu fatidique de « Et toi alors, qu'est-ce que tu fais dans la vie ?» Qu'est-ce que tu réponds? Comment tu te présentes en 2025? Moi, qu'est-ce que je fais dans la vie? Je n'arrête pas. Je pense que ce serait ça le... ce serait vraiment ça la bonne réponse. Je n'arrête pas de trouver des nouvelles façons de me mettre en mouvement. Et je crois surtout de mettre d'autres personnes en mouvement. Parce que moi, une de mes grandes passions dans la vie, c'est d'aller... C'est de transmettre comment on peut... retrouver du pouvoir d'agir dans son quotidien, comment on peut reprendre conscience que ben au quotidien j'ai une capacité de choisir pour moi, de d'avoir un impact sur le monde, de reprendre une part de citoyenneté. Et du coup c'est ça qui m'a poussée à participer à la création de Fertile, parce que c'est une école où on vient beaucoup transmettre ça. Mais avec tous ces outils, je vais aussi les apporter dans plein d'autres univers, notamment des univers militants. Donc moi, les outils principaux que j'aime transmettre, sur lesquels j'aime former, c'est tout ce qui va être autour de l'auto-organisation. Comment on vient apprendre à décider ensemble, à choisir comment on a envie de fonctionner ensemble. Et puis tout ce qui va être autour de apprendre à apprendre. Comment je reprends vraiment une posture d'actrice dans ma vie, dans la société. Et moi, je regroupe ça sous quelque chose que j'appelle les outils de coopération. Et j'aime bien appeler ça les outils pratiques de l'anarchie un petit peu. Et du coup, voilà. On va reparler de tout ça, Cassandre, en détail. Mais moi, je te vois un peu comme une version féminine et blanche de Morpheus dans Matrix, si t'as la ref. Qui donne aux personnes qui le souhaitent la possibilité de prendre la pilule rouge, hein, c'est ça, pour sortir? Ah ouais, il y a un peu de ça. D'ailleurs, c'est souvent le retour qui est fait après les formations. C'est « oulala, là, j'ai pris la pilule, mais je ne peux plus trop en revenir et ça va être compliqué d'être en lien avec le reste du monde maintenant. » La porte d'entrée des 2030 glorieuses, c'est de dire que les avenirs joyeux, désirables, souhaitables, positifs, enthousiasmants, vertueux, amoureux, nous tendent la main. En fait, ils sont déjà là. Et ces écolos, ces foutus écolos dont on dit qu'ils sont décroissants et empêcheurs de tourner en rond, en réalité, ils promettent plein d'abondance. Ils participe à faire advenir plein d'abondance. Et donc, c'est bien notre présent actuel qui est décroissant. Est-ce que toi, tu t'attaques à une décroissance particulière et c'est quoi l'envers de cette médaille, tu vois? À quelle croissance tu participes? Tu l'as déjà un peu dit, mais j'aimerais t'entendre quand même plus en détail à ce sujet. Ouais, moi, je pense que la croissance qui me parle le plus, c'est celle de l'émancipation. Donc, c'est... disons la décroissance de la servitude ou de l'obéissance aveugle, même plus largement de la passivité. Comment on fait décroître le niveau de passivité dans la société et on vient permettre à chacun chacune de retrouver, ouais, ce dont je parlais tout à l'heure, cette notion de pouvoir d'agir, de capacité de faire dans le monde et de sentir que que je vais pouvoir modeler des choses autour de moi, que je n'ai pas juste à subir ce qui se passe. Ouais, en fait, c'est notre époque qui est décroissante en pouvoir d'agir. On a l'impression qu'on peut de moins en moins avoir de prise sur le monde, mais aussi le monde qui nous entoure, ce qui fait notre quotidien, nos proximités. Et donc toi, à travers les formations, à travers les collectifs, et on va reparler de cette école fertile, tu fais en sorte que les gens puissent se sentir à nouveau puissants. Souvent, nous, dans les 2030 glorieuses, on parle de l'utopie comme première étincelle de l'empuissantement citoyen. Et toi, j'ai l'impression que tu es un peu dans cette continuité-là de « Ah bah, si vous vous dites que demain pourrait être mieux, alors bah, dans le comment, il y a l'apprentissage de l'autre, l'apprentissage d'outils de coopération qui permettent de ne pas tomber aussi dans le piège de l'épuisement, de la réalité qui est souvent beaucoup plus complexe que le rêve et qui peut aussi parfois pas mal causer de peine, de tort et puis même de la démotivation, voire de l'abandon dans ces questions. Ouais, complètement. Et puis tu l'as nommé dans l'apprentissage de l'autre. Moi, je trouve que ce chemin vers l'émancipation, il passe beaucoup, beaucoup par le collectif, justement. C'est vraiment ce chemin vers la joie, quoi. Ce chemin vers le faire ensemble, la capacité à être en lien avec l'autre. Et j'ai déjà oublié quelle était ta question de base. Je me suis juste accrochée sur l'histoire de collectif. Mais... Ça me va bien, on va parler de Fertile. Je t'ai présenté comme cofondatrice de Fertile. Tu peux m'en dire un peu plus sur cette ouais. fameuse école Fertile, on appelle ça une école de la coopération engagée. La coopération au service de l'engagement, tout simplement pour venir un petit peu le détacher de toutes les pratiques qui vont être simplement d'utiliser de l'intelligence collective au service de la productivité, ce qui est une autre façon d'utiliser des outils de coopération. Et voilà, donc nous, notre proposition, c'est d'aller vraiment chercher ces pratiques pour les mettre au service de l'engagement, d'une vision politique. Est-ce que tu veux que je raconte un peu plus qu'est-ce qu'on y fait, comment ça fonctionne dedans? Ah bah oui, on est même là pour ça. C'est ça qui m'intéresse. Qu'est-ce que ça veut dire, comment vous fonctionnez, qu'est-ce que vous proposez comme formation? Je veux bien que tu t'étendes un peu sur le sujet. Alors, à Fertile, on propose des stages en immersion entre 2 mois et 1 semaine où on va aller venir explorer ensemble. Donc c'est un collectif, enfin, c'est un groupe qui va se retrouver avec 16 participants-participantes. On les fait venir dans des lieux qui sont déjà des lieux collectifs, du style tiers-lieu, écolieu, voilà, des espaces un peu comme ça, où ils vont pouvoir venir ensemble expérimenter pendant 1 semaine qu'est-ce que ça veut dire faire collectif, qu'est-ce que ça donne en fait d'être de m'auto-organiser avec un groupe pendant 1 semaine, de vivre très très proche de ce groupe. Et puis on va leur proposer, au contact de ce groupe, avec ce groupe qui les aide à faire miroir, de comprendre comment chacun, chacune d'entre elles et eux réagissent, fonctionnent dans un groupe, dans la société. On va aller à la rencontre de ce qu'on appelle, nous, des postures réflexes un petit peu. Et donc l'idée, ça va être que chacun, chacune puisse se questionner sur comment ma façon d'être, elle a un impact sur le monde, sur le collectif et in fine sur sur la société et qu'est-ce que je peux, comment est-ce que je peux faire bouger ça? Donc ça, c'est un peu la première étape de notre proposition. La deuxième étape, c'est qu'est-ce que ça me fait de rencontrer l'autre vraiment? Qu'est-ce que ça me fait d'apprendre à lâcher les masques, à connecter complètement à l'autre, à entrer en empathie totale avec cette personne? Et comment est-ce que ça va changer mon rapport à l'autre en général, en fait? Comment prendre le temps de rencontrer avec sincérité, avec authenticité, un groupe, une personne? Ça peut venir changer mon regard sur le monde, sur toutes les autres personnes que je peux croiser derrière. Comment je peux recréer de l'humanité dans ce lien là où la société va beaucoup plus me proposer un regard méfiant, un regard individualiste? Comment on y oppose en quelque sorte l'ouverture, l'empathie, la générosité? Puis enfin, on va venir explorer ensemble comment on peut faire groupe sans se casser la gueule, sans se détester, comment on est capable de prendre des décisions ensemble sans avoir de chef qui nous dise exactement quoi faire, comment nous organiser, quelles sont les limites, et comment est-ce qu'on peut définir entre nous, ensemble, comment on peut co-décider de nos limites, de nos façons de fonctionner, de vers où on a envie d'aller. Et donc ça, c'est tout un panel d'outils, d'exploration qui sont, pour moi, beaucoup plus que d'espaces de formation, d'espaces de transformation. On aime bien dire ça parce que souvent les personnes sortent de là un peu déboussolées dans leur rapport au monde, leur rapport à l'autre, et avec l'envie justement de réinventer leur façon de faire, de réinventer leur quotidien, pas juste leur façon de travailler, mais ouais, même leur façon d'être en couple, de faire famille, tout ça, quoi. Voilà, ça vient explorer assez largement. J'aime bien, moi, quand on parle de ce genre d'initiative, tiens, une école qui se crée, montrer qu'on n'est pas tout seul, qu'on ne part pas de zéro, et que tu me racontes peut-être, tu vois, dans quel pas l'équipe de Fertile, elle marche. Est-ce que vous avez eu des expériences précédentes qui vous ont donné envie de travailler à plein temps sur cette question du mieux faire et mieux vivre ensemble? Ouais, carrément. Déjà, l'école Fertile, c'est issu d'un lieu qu'on a co-créé il y a 6 ans, qui s'appelait La Bascule. Donc c'est un lieu qui... c'est un gros... C'est une sorte de squat un petit peu qu'on a ouvert à Pontivy, où on vivait... on a vécu pendant 1 an là-bas entre 50 et 200 personnes en fonction du moment. et c'était que des jeunes... C'est pas que des jeunes, mais principalement des très jeunes qui ont arrêté leurs études. Moi, j'ai arrêté mes études à AgroParisTech pour cofonder ce lieu. Et on avait vraiment cet imaginaire de, voilà, on va arrêter nos études, on va sortir du système et des rails toutes belles dans lesquels on s'est placé, et on va venir s'engager à plein temps. Et on s'est dit, bah, il nous faut un lieu pour faire ça. Et donc, on est venu s'installer dans ce lieu à Pontivy. Et en fait, on s'est retrouvé vraiment face à notre incapacité à faire collectif, à toutes les lacunes qu'on avait là-dedans. Et ça a été ce chemin d'exploration ensemble sur, en fait, on veut faire des projets ensemble, on veut faire bouger des choses, mais on n'a pas envie d'avoir des chefs, on n'a pas envie d'avoir un fonctionnement hiérarchique, on n'a pas envie de reproduire toutes les oppressions qui ont lieu dans la société aujourd'hui. Comment on fait ? Et là, vraiment, on a été explorer énormément de choses. Et c'est notamment beaucoup l'Université du Nous qui nous a accompagnés dans ces démarches-là, qui est une structure qui est spécialisée en gouvernance partagée, en accompagnement de collectifs. Et après, voilà, on s'est inspiré d'énormément d'autres pratiques, de travail qui relie, de communication non violente. Il y a plein de personnes et puis d'esprits, de regards qui sont venus nourrir ça. Mais globalement, c'était 1 an de découverte intense et tous les militants et militantes qui passaient chez nous disaient « C'est génial ce que vous développez ici, c'est hyper beau, c'est hyper puissant, vous arrivez à faire de la coopération dans la joie et à rendre le collectif vraiment enviable. Ben, allez transmettre ça pour que d'autres personnes puissent toucher ça. » Et donc, on est une petite... Enfin, on est 5-6 de la bascule à s'être dit, allez, on crée cette école ensemble à ce moment-là. Et donc, on crée une école pour vivre mieux et travailler mieux, être plus efficace avec l'autre. Et le ratio n'est sans doute pas du tout le bon, mais moi qui ai fait donc, votre parcours de la PACO, posture d'apprenant à la coopération, si je dis pas de bêtises, avec l'équipe cœur des 2030 Glorieuses. J'ai l'impression qu'il y a le trois quarts, ouais, peut-être, allez, je le dis comme ça, les trois quarts de notre temps qui ont été dédiés à apprendre à se connaître soi-même, à voir comment on réagit, à ce qu'on veut vraiment, ce qui nous met vraiment en joie, ce qui nous met vraiment dans l'inconfort. En fait, pour être capable de travailler, de faire, d'être avec l'autre, il faut surtout commencer par être bien avec soi-même, par mieux se connaître. Comme si c'était des choses qui étaient évidentes, mais pourtant, en fait, qu'on questionne pas tant que ça, qu'on n'apprend pas tant que ça. Ouais, bah vraiment, deux choses là dans ce que tu me dis qui sont importantes pour moi. C'est la première, c'est moi j'ai l'impression que souvent on va penser que pour faire collectif, il faut connaître des outils précis, alors qu'en vrai, on peut avoir tous les outils, toute la mallette du monde, les meilleures expertises en différentes techniques de gouvernance ou de facilitation. Mais qu'au fond, pour moi, c'est beaucoup plus une histoire de posture et d'avoir des individus qui ont pris le temps de se comprendre intimement et d'avoir conscience de ce que leur façon d'être ou d'agir va avoir comme impact sur le groupe. Et effectivement, deuxième point, c'est vraiment quelque chose pour moi qu'on apprend. Enfin, en tout cas, moi, j'ai pas du tout appris ça à l'école. J'ai pas l'impression d'avoir eu d'espace pour explorer ça dans ma vie. Et j'ai l'impression que la plus grosse proposition que je pouvais avoir pour aller explorer ça, c'était plutôt des espaces qu'on va appeler de développement personnel qui sont assez rarement politisés et qui sont assez rarement tournés vers le groupe. C'est-à-dire, je vais apprendre à me connaître moi-même et puis je vais apprendre à écouter mes petits besoins à moi. Et puis, je vais m'arrêter à ce truc-là, en fait, de « Ok, voilà mes besoins, va m'aller mes limites et j'espère que tout le monde autour va les respecter. » Et je dis pas que c'est mal, hein, les espaces de développement personnel sont hyper riches à plein d'égards, mais je trouve ça vraiment intéressant de penser le développement personnel au service du collectif et au service d'un regard plus politisé du monde. Tu dis que les outils, on peut tous les avoir, mais que finalement, ça peut un peu servir à rien. J'ai quand même envie de parler de ta BD. Donc, je me disais, ça fait un lien, mais bon, peut-être qu'elle va nous dire que du coup, ce sera rien de l'acheter. Mais parce qu'en fait, tu as fait ce travail de consolider toutes ces expériences, tu les as nommées, que tu as eues de Fertile et même avant, qui t'ont mené jusqu'à Fertile pour... raconter que bah voilà, coopérer c'est pas si simple, c'est le nom de la BD, et ça t'a permis toi de faire une relecture de tes expériences, de tes apprentissages, de ce que tu transmettais, des pépites et que tu as vécu, des choses à ne pas reproduire, et t'as tout mis dans une BD. Tu peux nous raconter un peu la démarche qu'il y a eu derrière cette BD, comment ça a été pour toi de la mettre au monde, et peut-être que maintenant qu'elle est au monde justement, tu peux nous faire aussi un retour sur les premiers retours que tu as eu. Ouais, merci. J'avais complètement oublié que j'avais fait une BD, que c'était bien d'en parler. Je suis terrible, moi, pour faire de la com. Merci. ouais, cette BD, déjà, elle partait d'une frustration de... En fait, c'est tellement génial quand on arrive à avoir les gens qui viennent en formation chez nous. Donc, en PACO, c'est une formation à posture apprenante de coopération. Et c'est quand les gens arrivent à venir, en général, ils repartent, ils sont contents. Ils sont contents, ça les a vraiment fait bouger. Mais le pas à franchir pour se dire, je vais prendre une semaine pour aller vivre dans un collectif et avoir des petits jeunes qui vont me transmettre des outils où à la fin, je vois que des photos où les gens, ils se font des câlins et ils sont pieds nus. Il n'est pas simple. Et donc, nous, on avait très envie de trouver un moyen... pour rendre déjà plus accessible une sorte de petit pas, de première petite entrée, et surtout d'avoir un outil pour les gens qui sortent de nos espaces de formation où souvent ils sont démunis dans quelque chose de... Je viens de vivre une semaine très forte et je sais pas comment la transmettre autour de moi, je sais pas comment en parler. Et donc il y avait vraiment cette double intention de, voilà, de petite marche et d'outils de transmission. Et ça a été un sacré chemin, parce que j'ai pas du tout tout mis dans cette BD, hein. Pour l'instant, on a 3 tomes de prévus. Donc ce n'est que le premier tome d'une longue lignée, j'espère, si on a la ténacité d'aller jusqu'au bout. Mais on avait au moins envie justement de venir parler quand même de posture. Donc cette BD, elle aborde beaucoup plus. Il y a des débuts d'outils dedans, mais en fait, très peu. Et c'est quand même beaucoup un regard sur comment je peux avoir une observation de ma posture, de me questionner sur mes intentions, sur ce que nous on appelle ces postures réflexes, apprendre à faire un retour à l'autre. Enfin voilà, c'est quand même, on n'est quand même pas sur des outils justement trop cartésiens, on va dire. Et donc l'idée, c'était d'essayer de transmettre ça de la façon la plus pédagogique possible, la plus fluide possible. Et donc c'est le récit d'un groupe qui se rencontre et qui décide de lancer une épicerie solidaire ensemble. Et pour la plupart, ils ont jamais fonctionné en collectif. Et donc c'est un peu à l'explorer et leur joie de faire collectif et les déboires que ça implique, avec au fur et à mesure des outils qui viennent. Outiller, soutenir, aider. Et nous, on s'est placé avec Romane, la dessinatrice, en petits personnages qui viennent mettre notre petit grain de sel à chaque étape de vie de ce groupe. Voilà. Et donc, l'idée, c'est vraiment que ce soit une petite BD qu'on puisse venir déposer sur la table basse à Noël en espérant que notre oncle grincheux va peut-être l'ouvrir et trouver de l'inspiration dedans. Ouais, pas que quand même, hein, parce qu'effectivement, je pense qu'elle peut créer des conversations avec des personnes qui sont peut-être un peu éloignées ou imperméables à ces sujets, mais moi, j'ai l'impression que ça fait 20 ans maintenant, ou presque, allez, je me rajoute quelques années, mais on va dire 15 grosses années que je travaille sur ces sujets de coopération, et le fait de revoir tout ça dans un livre, avec en plus une histoire qui apporte un peu de cohérence et de légèreté, et de l'incarnation à tous ces concepts que j'ai vus, revus, vécus, appris et désappris, ça fait du bien, tu vois, de se rafraîchir la mémoire, de se dire « Ah mais oui, c'est vrai, en fait, j'avais un peu oublié ça. Ah mais oui, c'est vrai, ça peut aussi être utilisé comme ça. » Et donc, je trouve que c'est bien aussi de se dire qu'on a cet outil-là qui sert pas que de mémo, tu vois, qui sert de... un peu de miroir, qui peut aussi proposer des pistes alternatives ça permet de rompre aussi nos habitudes de coopération. Donc moi, personnellement, je l'ai vécu comme un bon rafraîchissement, tu vois. Mmh. Ouais, bah, en tout cas, c'est vrai que je sens que le meilleur retour qu'on a sur cette BD, c'est que les gens en achètent une et après, ils nous en recommandent 5 oui, parce qu'ils ont envie d'en distribuer à toute leur famille. Alors, et que c'est un vrai, effectivement, un vrai bon espace pour ouvrir la discussion dans le couple, dans la famille, avec le groupe d'amis. Et ça, c'est assez riche parce que ça fait un support aussi qui permet d'ouvrir les discussions qui sont parfois dures à ouvrir sinon. Et là, c'est pas moi qui l'apporte, c'est « Ah tiens, t'as vu, dans la BD, elle parle de ça, on pourrait peut-être se faire ce temps-là. » Voilà. On fait le lien entre les bouquins, on vient de parler de ta BD. Moi, je pense que dans nos livres, dans nos histoires, on a des fenêtres vers des utopies, des mondes désirables, des avenirs rieurs, et que souvent on les voit pas comme ça. Et donc un exercice que je propose à toutes les personnes que j'invite dans le podcast de Mitran Glorieux, c'est de nous ouvrir une de ces fenêtres en nous faisant la lecture d'un petit passage d'un roman, d'un essai qui leur plaît particulièrement. Donc ça nous marque une petite pause, comme ça on respire un peu le temps d'aller ensuite voyager en 2030 glorieuse. Cassandre, qu'est-ce que tu viens nous lire, toi ? Ouais, je vais vous lire un petit extrait du texte « Comment je suis devenue anarchiste » de Isabelle Attard, parce qu'elle m'a, je l'ai revue il n'y a pas longtemps, et elle m'a beaucoup inspirée dans un de ses discours avec vraiment une ténacité de continuer à croire qu'on pouvait faire bouger des choses. C'est Isabelle Attard, parce qu'elle était très impliquée en politique, et moi j'ai toujours beaucoup de je suis toujours très impressionnée par les personnes qui arrivent à passer par la politique et à conserver une intégrité, des valeurs et un vrai beau regard sur le monde, parce que je trouve que c'est un espace qui peut détruire très très facilement. Et donc c'est une femme qui m'inspire beaucoup, et donc je suis allée fouiller dans son texte. Il y a un petit passage qui s'appelle « Émanciper la personne par l'éducation » qui m'a beaucoup parlé. Pour pas parvenir à la naissance d'hommes et de femmes libres et égaux, il faut du temps. Un temps pour l'éducation, la formation, le développement d'un esprit critique et un temps pour la solidarité, le travail collectif. Et enfin, il faut prendre, lorsque cela est nécessaire, le temps de l'action, qu'il s'agisse de désobéissance civile ou d'action directe. Pour vivre dans une société sans Dieu ni maître, l'éducation est primordiale. Mais il ne s'agit pas de modeler le cerveau des futurs militants anarchistes comme dans des écoles d'endoctrinement politique ou militaire. Bien au contraire, l'objectif est de développer le questionnement, l'autonomie, l'esprit critique des futurs citoyens et citoyennes. Aujourd'hui, je pense malheureusement que l'institution scolaire, en général, a reçu l'ordre non pas de former de futurs hommes et futures femmes libres, mais de créer des êtres dociles et uniformes, qui surtout ne remettront en question ni l'existence de l'État-nation et de ses institutions, ni le modèle économique actuel. À l'opposé du principe actuel de formatage des individus, l'objectif des pédagogues anarchistes, comme Sébastien Faure, Paul Robin ou Francisco Ferrer, était de faire en sorte que le cerveau de l'individu soit l'instrument de sa volonté. Faire en sorte que les enfants puissent aller à leur rythme et sortir de l'école pour rentrer dans la vie active avec les aptitudes nécessaires pour être leur propre maître et leur propre guide, disait Ferrer. Ces pédagogues étaient guidés par le postulat extrêmement puissant que l'émancipation de l'individu par l'instruction aboutirait naturellement à la transformation de la société et que l'observation et le respect de la nature étaient indissociables du développement personnel de chaque enfant. Les anarchistes ne s'intéressent pas uniquement à l'éducation des plus jeunes. L'autoformation, tout le long de sa vie, est un de leurs points forts. Ils ont toujours trouvé le moyen d'imprimer d'innombrables journaux mensuels dans lesquels ils parlaient de tous les sujets possibles de manière à instruire le plus grand nombre. À la fin du 19e, les anarchistes ont également soutenu la création des Bourses du Travail aux côtés de Fernand Pelloutier, infatigable militant syndicaliste. Ce dernier concevait les Bourses du Travail comme des lieux d'enseignement, d'entraide, de propagande et de résistance. À l'intérieur de celles-ci, des universités populaires s'installent. Les causeries populaires, lieux ouverts de rencontres et d'échanges, apparaissent quant à elles dès 1902. Tels étaient et sont toujours les idéaux anarchistes pour l'éducation des masses, afin de se débarrasser des préjugés religieux et autoritaires. Lorsqu'une personne est son propre maître, il est quasiment impossible de la manipuler. Pourtant, grande est la tentation des hommes et femmes politiques d'user de la démagogie en s'appuyant sur la paresse intellectuelle. On peut donc légitimement se poser les questions suivantes. L'homme politique, qui se pense providentiel, souhaite-t-il l'émancipation du peuple ? Ou simplement son adhésion, sans questionnement, à son programme. Les représentants politiques sont-ils là pour faire à la place des gens ou pour mettre en place les lieux où les gens s'émanciperont eux-mêmes? Que l'on cesse seulement d'obéir ou que l'on désobéisse franchement, que l'on cesse de se soumettre ou que l'on résiste ouvertement, il y a une chose que l'histoire nous apprend. Il ne faut rien attendre du grand soir. Vous l'attendrez très longtemps. Il y a de fortes chances pour qu'il ne vienne jamais ou qu'il donne naissance à une nouvelle tyrannie. Après avoir soutenu la stratégie de la propagande par le fait, qui devait amener au fameux grand soir, Errico Malatesta s'était ravisé et avait alors proposé une nouvelle stratégie, fondée sur un gradualisme révolutionnaire. Je ne sais pas s'il avait raison ou non, mais ce qu'il écrit m'anime chaque jour. Il ne s'agit pas de faire l'anarchie aujourd'hui, demain ou dans 10 siècles, mais d'avancer vers l'anarchie aujourd'hui, demain, toujours. Merci Cassandre, transition parfaite vers les 2030 glorieuses. 2030 glorieuses qui sont comme les 30 glorieuses des décennies où on se réveille le matin en se disant tiens, qu'est-ce qui pourrait m'arriver de génial aujourd'hui. Sauf qu'en 2030 glorieuses, on se dit pas tiens, qu'est-ce que je vais acheter de génial, quelle promotion, quel argent je vais gagner en 2030, quel argent je vais gagner en plus aujourd'hui et comment je vais pouvoir plus posséder, plus m'accaparer et plus gagner, mais bien comment je vais pouvoir mieux coopérer, comment je vais mieux pouvoir aider, comment je vais faire preuve de plus d'humilité, comment je vais mieux contempler, quelle plus grande place je vais donner pour la poésie dans ma vie. Les 2030 Glorieuses, c'est donc de nouvelles abondances, de nouvelles croissances. On a besoin d'en parler pour les faire advenir, on a besoin de les rêver, de les imaginer. Dans notre conversation, c'est cet exercice-là qu'on va mener, Cassandre. Notre obligation, c'est pas d'être réaliste et concret, d'être au contraire les plus utopistes, les plus radicaux, ambitieux comme tu le veux possible, et surtout de bien décrire, de mettre des mots justes qui vont permettre aux personnes qui nous écoutent de voir un peu les 2030 glorieuses qu'on va visiter ensemble le temps de notre conversation. La seule condition à tout ça, c'est qu'on parle de nos 2030 glorieuses qu'on va découvrir ensemble au présent. Et donc, si jamais tu veux mettre du futur, c'est pour parler des 2040, des 2050, ou que sais-je. On évite le conditionnel, s'il te plaît. Tu peux, si tu veux, donner la date dans laquelle tu te trouves ou pas. Ça peut aussi laisser plus de place pour l'imagination des personnes qui nous écoutent. Et la première question que je te pose, Cassandre, pour commencer à décrire cette époque ambitieuse, extraordinaire, enfin, dans laquelle l'humanité, avec humilité, a réussi à passer à l'âge adulte et à se mettre face, droit, forte, face aux enjeux de notre siècle. Toi, quand tu regardes par ta fenêtre ou si tu es déjà dehors, qu'est-ce que tu vois en 2030 glorieuse ? Déjà, je trouve ça très drôle parce que je me dis, quand vous avez créé ce nom, il devait y avoir quand même beaucoup plus de temps. Ça se rapproche vachement vite, les 2030 glorieuses. Alors... Oui, les 2030 glorieux, c'était des décennies. Donc effectivement, les historiens déjà se disent que c'était peut-être en 2028 qu'elles ont commencé ces 2030 glorieuses. Peut-être que toi, tu es en 2037, voilà. En 2042. Mais on continue à appeler 2032. Ça les 2030 glorieuses. Allez, glorieux, on va dire que je suis en 2037. Qu'est-ce que je vois par ma fenêtre ? Bah, je suis pas par ma fenêtre, moi. Je suis dehors, je suis avec les gens, en fait. Super. Moi, ce que là tout de suite, je suis en train d'assister à une grande assemblée dans le village où j'habite, où on est 300 habitants et il y a à peu près 150 personnes qui sont venues et on vient discuter ensemble. Je sais pas moi de qu'est-ce qu'on a envie de mener comme gros chantier pour l'année prochaine. Et on prend le temps ensemble d'écouter comment ça s'est passé pour nous l'année précédente. Qu'est-ce qui nous paraît important comme élément pour pouvoir faire ce choix-là, quelles énergies chacune a envie de mettre à dispo là-dedans. En tout cas, il y a vraiment un espace de concertation qui est fort, qui est impliquant, où chacune se sent concerné, entendu, écouté sur les décisions qui vont avoir des impacts forts sur leur vie et sur leur quotidien. Pour que ce temps il se passe bien, y a une personne qui facilite, qui anime l'espace, une personne qui fait en sorte que chacune s'écoute, que la parole elle soit répartie, que on n'ait pas une personne qui prenne tout le temps de parole et pas les autres, que on ait un cadre de fonctionnement à peu près commun auquel tout le monde a adhéré. Qui permettent de par exemple dire que je vais pas parler au nom d'un groupe, je vais parler en mon nom, que je vais éviter de couper la parole à quelqu'un, etc. Voilà, bon, plein de petits éléments de cadre qui vont faire que cet échange il se passe vraiment bien. Et puis même peut-être que à la fin de ce temps, on va s'offrir une heure de plus. Pour se dire comment ça s'est passé ce temps-là. Qu'est-ce qu'on en apprend ? Comment on peut faire mieux dans nos prochaines assemblées ? Est-ce qu'on l'a vécu avec de la joie ? Est-ce qu'il y a eu des moments irritants ? Est-ce qu'on a reproduit des oppressions entre nous et est-ce qu'on pourrait s'améliorer pour la suite ? C'est un peu c'est ma première visualisation en tout cas. Je ne sais pas si tu veux que j'aille plus loin, je pourrais te raconter plein de trucs. Oui, j'en suis sûr, on va explorer ça ensemble. Mais dans ce que j'entends de tes premières découvertes, de tes premiers partages, c'est que en 2030 glorieuse, l'autre, c'est plus une menace, c'est une richesse. Comment on a réussi à faire en sorte que les gens ils changent leur regard sur celui ou celle qui supposément à l'époque était une menace, quelqu'un qui pouvait prendre, quelqu'un qui pouvait piéger, quelqu'un qui pouvait blesser. Ouais, complètement. Là, chacun, chacune regarde l'autre en essayant de la soupçonner du meilleur. Part pas du tout du principe que la personne lui veut du mal. Et ben, je sais pas, on a vécu, c'est parce que dans les 10 dernières années, il y a eu une grande campagne pour apprendre à rencontrer les autres. Alors, il y a eu de gros mouvements citoyens qui se sont dit, on va organiser des rencontres entre voisins, voisines, et puis on va prendre de vrais temps pour manger ensemble, se présenter, créer du lien. Ils ont construit des structures qui permettaient que quand tu avais besoin d'aide pour quelque chose, tu pouvais venir demander à ces communautés de voisins, voisines qui s'étaient créées, et qu'il y avait un principe où chacun, chacune allait venir participer un petit peu à ces espaces-là. Et du coup, on a commencé à se rencontrer mieux, mais pas seulement autour d'un cercle de parole où on se présente ou d'un apéro, mais aussi en allant essayer de réparer la toiture de bidule, en allant chercher les enfants de Tom à l'école, en allant organiser un gros chantier collectif quand la maison de la troisième voisine avait brûlé. Et par le faire, il y a eu tous ces moments de rencontre et de solidarité. Moi, j'imagine ça. J'imagine aussi une autre version. C'est une version où, en fait, dans les 30 dernières années, on a vécu tellement de crises, tellement de moments durs, qu'il n'y a pas eu d'autre espace que, de se rapprocher, de faire groupe, de faire équipe, en fait. Et qu'à un moment, on aurait pu choisir de se dire, on va faire des clans où on se tabasse tous dessus. Mais qu'il y a eu justement ces espaces avec des personnes qui facilitaient, qui ouvraient des espaces de discussion pour qu'ensemble on puisse s'organiser et agir de façon solidaire parce que là on n'avait pas d'autre choix que de faire à plusieurs. On ne pouvait plus agir individuellement. Donc ça nous a forcés à nous rencontrer les uns les unes les autres. Et maintenant, ça a créé des vrais réseaux de confiance au sein des communautés locales. Ouais, ça c'est ce que disait déjà, il me semble que c'était Pablo Servigne et Raphaël Stevens, ou ah, peut-être que c'était avec Gauthier Chapelle, je mélange toujours les comparses de Pablo Servigne, mais dans le livre L'entraide, l'autre loi de la jungle, on se rend compte qu'en réalité l'entraide c'est vraiment quelque chose d'évident parmi le vivant, et que même nous, souvent les êtres humains, quand on est dans un moment de crise très forte, au-delà de la sidération, on en vient très facilement à coopérer, à aider, à se montrer hyper altruiste, là où supposément les récits qui nous alimentent dans les films et les séries nous disent l'inverse. Et effectivement, ça s'est confirmé ces dernières années. L'autre aussi, là où la technologie parfois elle vacille, là où on a eu beaucoup de désinformation ces dernières années, et on se rend compte que l'autre c'est aussi une richesse, et on est repassé beaucoup par la transmission orale. Je sais que maintenant, dans ma communauté, on a des bibliothèques humaines, avec des gens qui, sur certains sujets, pour raconter certaines histoires, pour partager certains savoirs, se rendent disponibles. Et on a un grand fichier comme ça qui permet de dire, bah tiens, Josette, elle a vécu dans tel pays, elle a travaillé sur tel sujet, elle est spécialiste de tel art. Et ça permet d'aller rencontrer les gens aussi avec ces curiosités, parce qu'on sait que d'une certaine manière, ils ont acquis une expérience au fil des années sur ces choses dont on a parfois un peu du mal à démêler le vrai et le faux quand on continue à utiliser le peu de temps imparti qui nous reste pour aller sur Internet. Comment on a réussi à faire ça, Cassandre? Là, on a parlé des années, on a parlé de la chronologie. Tu as commencé à évoquer des points de bascule potentiels, peut-être que tu vas en rajouter d'ailleurs, mais comment on a fait pour que la coopération elle s'apprenne à tous les âges et partout, et raconte, ça se fait bien sûr à l'école, mais pas que. Donne-nous des exemples un peu sur ces espaces d'apprentissage de la coopération. Je suis désolé, je suis le spécialiste une phrase avec 10 questions en même temps, donc prends ce que tu veux et puis on tire le fil que tu veux, d'accord? Ben, déjà, moi, je vois bien quelque chose dans... Vraiment dans la... Dans la... Dans l'éducation, dans le monde politique, en fait, quand même. Je trouve qu'il y a... Effectivement, ce serait incroyable qu'on puisse avoir... Enfin, qu'il y ait de la formation... au niveau des écoles, au niveau du... Décrétons-le, hein, Cassandre. Ah oui, voilà. Donc, il y a évidemment, on a de la formation au niveau des écoles. Bien sûr. Chaque enfant a cette base de formation, d'ouverture, voilà, d'ouverture à l'autre, se plonge dans les outils de coopération, ils apprennent à monter des projets collectifs dès le plus jeune âge et à voir, l'espace du lien et de l'autre comme une richesse, ça c'est un fait. Mais finalement, les enfants, c'est pas les plus durs à éduquer. Donc, l'espace le plus dur à former, finalement, c'est plutôt les cinquantenaires qui ont, et plus, qui ont l'esprit un peu moins malléable potentiellement à cet âge-là, qui ont ancré d'autres habitudes. Et donc là, il y a un vrai travail de fond à faire. Et donc, ce qu'on s'est dit, c'est qu'on allait mettre en place des formations, plutôt des espaces de stage un peu obligatoires pour toutes les personnes qui étaient en charge de... qui avaient un certain niveau de responsabilité, et en commençant par le milieu politique. Alors déjà, on s'est dit qu'il n'y avait pas de raison qu'on continue à fonctionner avec un milieu politique où... les personnes allaient être élues en faisant campagne et qui du coup évidemment recréent énormément de privilèges. On se retrouve avec principalement, pas uniquement, mais en grande majorité des bourgeois blancs au pouvoir de plus de 50 ans, et qu'on allait essayer de faire en sorte que cet espace-là soit plus représentatif. Et donc, en fonction des communes et des niveaux, on a mis en place différents formats, soit par tirage au sort, soit par, soit avec des quotas beaucoup plus clairs pour avoir un niveau de représentativité beaucoup plus intéressant de la population française. Et toutes ces personnes, passent par des stages où elles vont entre elles. Venir se former à coopérer et se rencontrer à un tout autre niveau. Donc l'idée, c'est qu'on puisse sortir de tous les petits enjeux d'ego entre elles ou d'individualité, de carriérisme, parce qu'en fait, il n'y a aucun enjeu de carriérisme. Voilà. Il est un petit peu anéanti par le fait que tu peux être tiré au sort une fois, mais il y a quand même très peu de chances que ce soit tiré au sort deux fois. Et aussi de compétitivité avec un petit peu ce qu'ils pourraient considérer être comme des adversaires politiques. Et donc ensemble, ils vont venir se former à tout ça et derrière former une vraie équipe au service du projet société, en fait, et venir remettre ça au centre de leur façon de travailler. Qu'est-ce que tu penses, toi, Cassandre, du permis de coopérer pour les personnes qui sont justement dans des espaces de pouvoir, que ce soit économique ou politique? On peut retirer des points de coopération, il y a des stages pour récupérer des points. Qu'est-ce que tu penses de ce mécanisme? C'est peut-être un peu trop ou finalement c'était un garde-fou nécessaire pour ces personnes qui, c'est vrai, n'ont jamais trop été habituées à la coopération? Bien, j'ai envie de dire, en même temps, je trouve ça séduisant. En même temps, ça me renvoie beaucoup trop à des espaces très autoritaires où on va se juger, se noter. Voilà. Moi, j'aurais plutôt envie de décréter, comme on a dit qu'on décrétait des choses, qu'il y ait des espaces un peu obligatoires et réguliers de ce que moi j'appelle la pratique du méta, c'est-à-dire de prise de hauteur pour se questionner ensemble sur comment ça fonctionne, est-ce que ça fonctionne bien, est-ce que ça fonctionne moins bien, qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place de mieux, et que potentiellement ce soit des espaces qui mélangent et des personnes qui travaillent politiquement et des personnes et des citoyens, citoyennes qui sont pas obligatoirement impliqués en politique, et qu'on puisse avoir vraiment des moments de débrief, en fait. Comment ça sert la société, là, la façon dont on fonctionne? Est-ce qu'on a besoin de mettre des choses différentes en place? Et que cet espace mixte, en fait, il n'y ait pas uniquement les personnes au pouvoir qui aient la voix au chapitre dedans et qui aient le pouvoir de décider. Que ce soit, la capacité de décider de ces changements, elle soit plus ouverte. Moi, j'aurais plutôt vu peut-être le... comme plutôt comme des espaces ressources, c'est-à-dire que justement que ces espaces de prise de hauteur, ils puissent me permettre de me dire ah ouais là peut-être que ça fait trop longtemps que j'ai trop de pouvoir accumulé entre mes mains et que c'est un peu monté à ma tête et que j'ai besoin de venir peut-être un peu me re-questionner ou me reconnecter, de nouveau rentrer en lien avec moi-même, avec les autres. Et donc, je vais aller, passer 6 mois dans un collectif où on va faire ensemble peut-être plus dans les mains, plus sur le terrain avant de retourner bosser plus dans la tête au niveau politique. Voilà. Bah les mises au service trimestrielles, pour ça, elles aident bien. Hein. Tu sais qu'on a des gros chantiers sur chaque territoire où il faut passer par les mains et on a besoin de forces vives et tout le monde est appelé à y participer, forcément en fonction de ses capacités physiques. Mais ça permet de brasser les gens, ça permet de brasser les âges, ça permet de brasser les professions et puis de remettre un peu d'humilité dans la vie de celles et ceux qui parfois, c'est vrai, sont sur des charges qui filent un peu le tournis. Je trouve que ça fait du bien. Et d'ailleurs, est-ce que c'est un peu le rôle de Fertile que d'organiser ces espaces de déconnexion, de reconnexion? Est-ce que ça existe encore, Fertile? Est-ce que vous avez grandi? Est-ce que vous avez muté? Est-ce que vous avez disparu? Alors, Fertile, ça n'existe plus parce que l'une des intentions principales de Fertile, c'était de faire en sorte qu'il y ait plein de facilitateurs, facilitatrices, plein de personnes qui se sentent autonomes dans le fait d'aller explorer ce monde de la coopération. Et du coup, y a eu plein de bébés qui sont nés, plein de nouvelles organisations qui transmettent, qui forment, qui accueillent, qui imaginent, qui font mieux, hein, d'ailleurs, qui vont plus loin que Fertile, qui ont permis d'aller explorer beaucoup, beaucoup plus en avant, par exemple, comment les pratiques, les outils de coopération prennent en compte toutes les oppressions systémiques dans leur façon de faire. Et donc, Fertile n'existe plus. Mais par contre, il y a 1000 formes, 1000 propositions différentes de comment on fait ensemble. Il n'y a pas une bonne façon de faire qui est appliquée sur tout le territoire. Hein. C'est plein d'approches. Il y a des gens qui approchent ça complètement par le corps, d'autres complètement par la tête, d'autres uniquement par le jeu. Il y en a qui vont faire ça comme des moines qui s'installent pendant 8 ans ou 10 ans ou 12 ans dans cette exploration, d'autres qui vont se faire comme des cures un petit peu régulières, comme tu disais, 3 mois par an pour que ça reste bien ancré en soi. Il y a plein de couleurs et de façons différentes de faire ça, mais une ambiance générale d'avoir en tête que avoir quelqu'un qui pense à comment on fait ensemble et qui propose des espaces où on vient questionner ensemble les modes de fonctionnement qu'on veut avoir et les modes de gouvernance qu'on veut avoir, qu'avoir cette personne-là dans le coin, dans toutes les communautés, c'est pratique et c'est utile, quelle que soit sa forme. C'est ce que tu fais, toi, en 2030 Glorieuse, Cassandre. Tu passes de communauté en communauté, tu continues à former des facilitateurs et des facilitatrices ou t'as complètement changé de métier? Tu fais quoi, toi, en 2030 non. Glorieuse? Moi, en 2030 Glorieuse, j'ai pris ma retraite. je pense que je fais plus ça. Je suis en train d'apprendre des nouvelles choses plutôt que d'apprendre à d'autres. J'ai transmis ce que j'avais à transmettre. On m'a à un moment appris des choses, je l'ai appris à d'autres. Et là, je suis de nouveau dans un cycle où c'est moi qui apprends, où je me forme au maraîchage, je me forme à la rénovation, je me forme à plein d'autres nouvelles saveurs. Et je reçois avant de pouvoir être de nouveau dans un cycle où c'est de nouveau moi qui partage. Cassandre, les personnes qui nous écoutent et qui se disent finalement pas bête l'idée du permis de coopérer, comment elles font pour faire advenir ces 2030 glorieuses de la coopération sans attendre, et comment elles font pour s'y connecter, parce qu'en fait tout ce qu'on vient de décrire, ça part pas de nulle part, ça existe déjà. Parfois, c'est juste en expérimentation. Parfois, c'est largement développé dans certaines communautés. Comment elles continuent vers ces 2030 glorieuses-là? Quel est leur prochain pas? Ben, j'ai envie de dire, moi, j'ai envie de vous inviter à aller parler, je sais pas, ça peut être à votre famille, à votre conjoint, à votre conjointe, à votre groupe d'amis déjà, à dire, venez, on prend un temps, on prend 2 heures, et on essaie de se raconter vraiment comment est-ce qu'on va, comment est-ce qu'on se sent, et puis ensuite, comment est-ce que ça se passe aujourd'hui dans notre mode de fonctionnement, comment est-ce que ça se passe, comment est-ce qu'on aimerait, qu'est-ce qu'on aimerait mettre de différent en place, dans notre quotidien. Deuxième chose, d'organiser une rencontre avec vos voisins voisines et d'essayer de discuter avec eux. Troisième chose, vous pouvez vous inscrire à une PACO ou acheter une BD. C'est des bons pas pour aller découvrir tout ça. Il y a peut-être un pas intermédiaire aussi, c'est que sur le site de Fertile, vous avez tout un tas d'outils, une grosse bibliothèque de ressources qui est hyper chouette. Est-ce que là, tu penses, je sais pas, il y en a peut-être une qui vient en particulier, qui serait chouette à explorer pour justement aider les discussions avec son entourage ou des prises de décision avec des collectifs? Est-ce qu'il y a une ou deux fiches là un peu pépites que tu as envie de nous partager? Bah, j'en remarque qu'il y en a une qui est très utile, c'est comment faire un feedback. Parce que je trouve que c'est souvent un très beau point de départ, c'est-à-dire que moi j'ai souvent peur d'aller dire les choses difficiles et je vois que c'est parfois les gens ont l'appréhension que c'est la difficulté du collectif en fait, c'est je vais pas supporter les gens et je vais pas oser leur dire, alors qu'en réalité souvent un feedback qui est justement un retour agréable qui est justement bien fait, ça ouvre une porte incroyable. Donc ouais, celle des feedbacks. Et puis, potentiellement, la fiche ressource aussi sur les intentions, pour essayer de comprendre pourquoi je fais ce que je fais. Est-ce que, en fait, ça fait sens pour moi? Est-ce que, là, l'énergie que je mets dans ma vie, elle est placée au bon endroit? Voilà, je trouve que c'est deux points intéressants pour aller, pour commencer à aller vers le collectif. Merci, Cassandra. Merci à toi, Julien. Merci d'avoir voyagé avec nous en 2030 glorieuse. Si vous voulez continuer à muscler vos utopies, rendez-vous sur 2030glorieuse.org pour explorer la galaxie utopiste que nous mettons à votre disposition avec créativité, enthousiasme, humour et amour. Vous pourrez découvrir des méditations utopistes, des livres et pourquoi pas d'autres épisodes du podcast 2030 Glorieuse qui existe depuis plusieurs saisons déjà. Surtout, les 2030 Glorieuses, c'est un atelier d'intelligence collective qui permet de reprendre le pouvoir des imaginaires. Cet atelier peut se réaliser partout en France, voire même en Europe, ou en ligne, et si vous le souhaitez, vous pouvez devenir guide de voyage en 2030 glorieuse pour rejoindre la communauté des centaines d'utopistes qui sont déjà tout autour de vous sans le savoir. Alors je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode et à bientôt dans la communauté utopiste 2030 glorieuse.